Pour toi, est-ce que la vibration christique est différente de la vibration supramentale? Ça dépend. Parce que la vibration christique, comme on la connaît, c'est par l'entremise de témoignages. Est-ce qu'il y a des Christ en ce moment dont nous pouvons goûter la vibration? Donc, puis à mes yeux, il est clair que le Nazaréen, le Christ, qu'il disait, ça n'est pas de son intellect, au contraire. Donc, pourquoi vouloir se demander s'il y a une différence? Puis tout ça amène à la même chose à mes yeux, ça ramène, c'est tout lié, donc, mais là, oh, il y en a qui ne seront pas contents que j'ose dire des choses comme ça. Il y en a qui ont fait du Christ leur chose à eux. C'est ça qu'on appelle des doctrines puis des religions. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est pas correct, là. Mais ça engendre la subjectivité, c'est ça que je veux dire.